me donne à fond dans ce qui me passionne. Que toute sa vie me donne sans demander l'avis de personne. Juste au cas où ma dernière heure sonne. Que toute sa vie me donne sans demander l'avis de personne. Dans tout ce que je fais, faut que je performe. Que toute sa vie me donne sans demander l'avis de personne. Juste au cas où ma dernière heure sonne. Face à sa propre tombe, ça peut faire freaker ben du monde. Faut que tu dises qu'il y en a pour qui tu comptes. L'adrénaline monte. Fais des choix pour que ma vie soit longue. J'essaie de profiter de ma vie à journée longue. Je veux voir du soleil, je t'en ai de vivre à l'ombre. Voir des chums mourir, ça pousse à réfléchir. À notre âge, on n'est pas supposé de fléchir. Pas supposé d'être souvenir. Un fardeau dur à soutenir, je soupire. Si ma fin approche, j'espère au moins jamais le sentir. J'espère jamais le pressentir. J'espère plus jamais voir quelqu'un près de moi partir. Je trouve pas ça facile à dire. Sur la vie de l'apprécier. Si c'est live, ça se passe sans avertir. Fait que j'écoute tout ce que la vie me donne. C'est même que je pense à l'avenir. J'écoute tout ce que la vie me donne sans demander la vie de personne. Plus de temps perdre, plus de chance à prendre avant que je devienne un vulgaire pour de sang. J'sens l'appétit en moi se répandre. J'écoute à tout ce qui me tente, j'veux me remplir le ventre. Avant j'extrémais, c'était tout ou rien. Aujourd'hui j'essaie de me maintenir au centre. C'est l'expérience de la vie qui rentre, j'espère qu'il y en a qui le sentent. J'écoute tout ce que la vie me donne sans demander la vie de personne. Rien de compliqué, j'vis ma vie comme ça m'adonne. J'écoute tout ce que la vie me donne sans demander la vie de personne. J'me donne à fond dans ce qui me passionne. Toute la vie me donne sans demander la vie de personne. Juste au cas où ma dernière heure sonne. Toute la vie me donne sans demander la vie de personne. Dans tout ce que je fais, faut que je performe. Toute la vie me donne sans demander la vie de personne. Juste au cas où ma dernière heure sonne. Pendant que je suis là, j'en profite. J'ai l'intention de voir la suite. On est toutes pareilles, mais j'ai pas le goût de mourir tout de suite. J'essaie de funérailles, de voir tout le monde autour qui braille. Je me rends compte que la mort frappe rapidement. Puis contre elle, on est pas taille. Le pire, c'est que je peux rien y faire à part d'attendre mon tour. Ils prennent ce que j'ai de plus cher. Ils me l'enlèvent pour toujours. Ceux que j'aime partent pour toujours. Y'a rien d'autre qui ont vu la mort de près. Mais d'autres moins chanceux, aujourd'hui repose en paix. Pour une personne qui t'aime dans un cercueil, je te jure que ça donne des sueurs. Mais c'est presque inévitable. Un jour ou l'autre, tout le monde meurt. En attendant, y'a rien qui me fait peur. J'vis à 100 000 à l'heure. Jusqu'à temps qu'ils prennent mon âme. Et sur ma tombe, on y dépose des fleurs. Toute la vie me donne sans demander la vie de personne. J'me donne à fond dans ce qui me passionne. Toute la vie me donne sans demander la vie de personne. Juste au cas où ma dernière heure sonne. Toute la vie me donne sans demander la vie de personne. Dans tout ce que je fais, faut que je performe. Toute la vie